Vous allez bien, vous qui êtes ici? Bon, c'est bien. Fait que si j'ai une petite voix bizarre, ça peut être deux choses. Soit c'est le système de son, soit que j'ai une petite sinusite qui fait que j'ai comme un tuyau de bouchée, là. Fait que là, le son que j'entends, je ne sais pas si c'est le vrai ou si c'est mes oreilles qui me trahissent. Bon. Qu'est-ce que vous dites, M. Lachance? J'ai un problème de plombée. Dieu est bon, oui. Amen. OK. On est dans Galates 5. On veut parler du fruit de l'esprit. Puis, ce matin, le sujet, c'est la joie. Fait que j'ai quasiment envie de vous dire que j'ai pas besoin d'en parler parce que notre sœur Diane nous a comme donné une explication vivante de qu'est-ce que c'est la joie dans le Seigneur. Oui, non? On va en parler pareil. Mais quand même, je trouvais ça intéressant ce matin. Merci Seigneur. On va lire à partir de 13, Galates 5, 13, jusqu'à 26. Je sais qu'on l'a déjà lu, puis on va relire tout l'été probablement. Mais c'est bien de se mettre dans le contexte de qu'est-ce qu'on lit. Frères, moi je lis dans la Louis II, ma version préférée pour lire, bien que je vais aller citer d'autres sources parfois. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Fait que c'est intéressant que Galates 5, ici, ben en fait l'épître de Galates, c'est vraiment qu'il y a un problème de communion dans l'Assemblée, ça va pas, fait qu'ils ont perdu leur joie dans le Seigneur. Et quand Paul introduit le sujet de Galates, quand il va parler du fruit de l'esprit, c'est pour ramener à l'ordre par rapport au désordre. Est-ce que ça va tout le monde? Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. C'est intéressant, dans la liste qu'il y a ici, là, il n'y a pas de degré. C'est pas comme un petit peu ou beaucoup ou énormément. Il y a une trace de, il y a une brèche dans la direction de, on est déjà dans le trou. OK? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi est pas contre ces choses. Une autre version dit, la loi est certainement pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et tout ce qui va suivre va être des exemples de marcher correctement. Avant de parler de la joie, j'aimerais insister sur un mot qui est écrit là dans le texte au verset 16 puis au verset 25, parce que le fruit de l'esprit ou le combat entre la chair et l'esprit est entre ces deux versets-là, verset 16 et 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, au verset 16. Et au verset 25, si nous vivons par l'esprit, j'ajouterai entre parenthèses, soyons cohérents, marchons aussi selon l'esprit. Fait que le mot marcher ici peut se dire de bien des façons là, dans le texte original. On peut le traduire par marcher, passer à, suivre, être en chemin, aller, séjourner, se montrer, se conformer, se conduire, vivre. Fait que j'aime bien le mot vivre ici. Si on au lieu de dire, je dis donc, marcher selon l'esprit, je disais vivez selon l'esprit. Marcher, c'est on fait des pas. Vivre, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon d'être. Je suis une personne différente d'avant. Avant, je marchais selon la chair, maintenant, je marche selon l'esprit. Avant, je vivais pour la chair. Maintenant, Dieu voulant, je vais vivre par l'esprit, pour l'esprit. Qu'est-ce qu'il me dit? En fait, la parole de vie, je prends 5:25, puis vous pourriez le voir, parole vivante, je pense, c'est là. Mais parole de vie, 5:25. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ça va-tu? Non, mais c'est parce que c'est pas de mes propres efforts, c'est pas par mon rationnel, c'est pas par mes expériences, c'est par la petite voix intérieure qui me parle, qui me dit fais ça, fais pas ça. Vas-y de même, attends, vas-y, laisse aller. Cette petite voix-là, là, qu'il faudra apprendre à reconnaître à un moment donné. Parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent entre leur sentiment qui leur parle et la petite voix qui est la voix du Saint-Esprit qui parle. Et elle ne dit pas la même chose. Puis comment je fais pour distinguer? Ben, plus je connais les Écritures, plus je peux reconnaître la voix. Moins je connais les Écritures, plus je suis en danger de mélanger avec mes sentiments, mes émotions, mes désirs personnels, que je rationalise en pensant que ça vient de Dieu. Fait que l'expérience de marcher, de vivre selon l'Esprit, c'est un apprentissage qui est long et laborieux. Mais l'Esprit nous est donné, donc on n'est pas tout seul. Là. Il est là, il nous parle. Il va juste écouter et agir. Est-ce que ça va? Marcher. Alors, quand on parle du fruit de l'Esprit, puis qu'on veut parler de la joie en particulier, c'est quoi qu'on a dit un matin? Saveur. Je crois que je cherchais autre chose que fruit, parce que même les commentaires, les commentateurs, quand ils parlent du fruit de l'Esprit, après ça, ils commencent à les lister, ils nomment les fruits. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas les fruits, il y a un fruit. Okay? Est-ce que tous les commentateurs font ça? Je ne sais pas, mais ceux que j'ai vus, ils font ça. OK. Fait que le fruit de l'Esprit, on peut-tu le mettre à l'écran? On marche à la slide numéro 1. Tu vas essayer? Ah, c'est bon, vous les voyez? J'ai mis un petit code couleur, OK? Juste pour qu'on les distingue. Premièrement, l'amour qui vient de Dieu, puis qui est donné à tous, pour tous, avec lui au centre. Mais après, il y a la joie et la paix. Ça, c'est intérieur. C'est nous, nés de nouveau. C'est impossible d'avoir la joie sans la paix, puis d'avoir la paix sans la joie. Tu sais, quelque part, quelque chose qui ne va pas, là. Mais il faut définir c'est quoi la joie, par contre. Si c'est le sourire d'enfance, c'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est une nature intérieure qui, en fait, est la nature de Dieu. Maintenant, si je marche par l'Esprit, si je vis selon l'Esprit, ça va avoir des effets autour de moi. C'est ceux qui suivent. La patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance. Ça veut dire porter attention aux autres pour leur faire du bien, OK? La fidélité, dans le sens de la foi. Je reste collé aux Écritures, donc si j'aime les Écritures, je ne peux pas faire autrement que d'aimer les saints, fait que je vais rester fidèle, je vais rester attaché. Et la douceur dans la façon de faire les choses. Fait qu'en dedans, j'ai peut-être envie de t'arracher la tête, là. Mais ce que je vais faire, c'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? Et le dernier, fait que l'effort d'une vie, la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Encore là, j'aurais envie de t'arracher la tête. Je me sens justifié de la faire, mais c'est pas ça que Dieu veut que je fasse. Puis tu le verras même pas. Comment je me sens? Alors, juste pour appuyer sur le fruit de l'esprit, 3 Jean, je vais lire 3 passages dans Jean, OK? Dans 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean. OK, ce qui est intéressant, c'est au verset 4. 3 Jean 4, 2 Jean 4, 1 Jean 1, 4. OK? Je commence avec 3 Jean 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité ou vivent dans la vérité. OK? Fait que mes enfants ensemble vivent dans la vérité, marchent dans la vérité, se laissent guider par la vérité. Il n'y a pas plus grande de joie que ça pour l'apôtre Jean. Et lui, quand il parle, on sait qu'ici, c'est les Écritures, donc je pourrais dire Dieu, Jésus, l'Esprit-Saint, dit exactement la même chose. Ça vient de l'Esprit-Saint. Hein? « J'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. » 2 Jean, verset 4. « J'ai été fort réjoui. » Ça vient du même mot, là. « Joie, réjouir, réjouissez-vous. » Joyeux, heureux, ça vient à peu près tout de la même place, OK? J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui, quoi? Marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. C'est quoi le commandement qu'on a reçu du Père? Aimer Dieu, puis s'aimer. Puis s'aimer comment? Quand Jésus rajoute? Comme lui nous a aimés. Il n'y a pas plus de joie, hein? Il se réjouit. Ce qu'il réjouit, c'est d'apprendre que les enfants font ça. Ils marchent, ils vivent dans la vérité, selon le commandement qu'ils ont reçu. Fait que là, si vous lisez Jean 1, 2, 3 Jean, il va vous dire que si vous dites que vous aimez Dieu, puis que vous n'aimez pas vos frères, vous êtes menteurs. OK? Ça va pas. Mais aimer ici, c'est pas un feeling. Ça se pourrait que j'ai envie de t'arracher la tête. Mais ce que je vais faire va démontrer quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas faire? 1 Jean. Ça vaut la peine de lire 1 Jean 1 à 7. C'est le verset clé, c'est le verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, regardez le focus, c'est sur quoi? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. On parle de qui, là? Jésus, OK? Fait que là, il dit, tout ça, là, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez vivre dans l'Esprit, OK? Marcher selon l'Esprit. Afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose de plus important que de marcher selon l'Esprit, d'être en communion avec le Père et le Fils et en communion les uns avec les autres? Encore là, si on n'est pas en communion les uns avec les autres, on fait Dieu menteur ou on est menteur. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Quand il dit notre joie, là, c'est nous tous ensemble. Il nous a inclus, on est inclus dans ce texte-là. Allez lire Jean 17, là, on est inclus dans ce texte-là. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres ou vivions selon les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons ou vivons, dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est indissociable. L'amour de Christ puis l'amour des saints, c'est indissociable. L'amour de la vérité, l'amour de Christ, c'est indissociable. La vérité, c'est de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. C'est facile? Ben, par nous-mêmes? Non. Par lui? Oui. Comment? Si on se laisse guider par l'Esprit. Psaume 1. Heureux l'homme, même mot, hein, joie, heureux l'homme qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Il va porter du fruit dans sa vie. Quel fruit? Amen. Jean 17, 12 à 17. Parce que je n'ai pas encore parlé de la joie. Je veux juste dire de quelle joie on parle. C'est comme tu veux. Parce qu'on est appelé à marcher dans cette joie-là, selon cette joie-là. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, qui parle là? Ah, c'est bon. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses. Quelles choses qu'il a dites? Tout ce qui est écrit ici, ça vient de lui, OK? Je dis ces choses dans le monde. Donc, on va prendre particulièrement les choses qu'il a dit pendant qu'il marchait sur la terre. Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde. Ce que je suis en train de dire, la prière sacerdotale, Jean 17, je veux qu'elle soit entendue, OK? C'est Jésus qui dit ça. Pourquoi? Afin qu'ils aient en eux quoi? Alors, si je connais la vérité, est-ce que je peux être malheureux, humainement parlant, là, dans le contexte d'être un enfant de Dieu? C'est parce que des fois, on ne comprend pas c'est quoi la joie et sur quoi elle s'appuie. Mais ici, la joie qui nous est décrite est toute associée à être en communion avec le Père, le Fils et les saints, l'Église. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, mais comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. J'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu pour marcher selon la parole de Dieu. Mais grâce soit rendue au Seigneur, j'ai l'Esprit de Dieu en moi pour me dire au jour le jour, à chaque moment, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie? Ça, c'est la question. La joie qui vient de Dieu dépend pas de ce que je vis dans cette planète. C'est ce que notre sœur nous a dit. La joie qui vient de Dieu ne dépend pas du tout de mes circonstances. En fait, inversement, les circonstances autour de moi sont toutes sources potentielles de me réjouir. Tout dépend comment je les regarde. C'est vrai? Alors, peux-tu aller à l'autre slide, Omar? Slide 2? Qu'est-ce qui est là? C'est des commentaires. Différentes personnes qui ont écrit introduction au livre de Galates ou autre chose. Là. Mais ici, vous avez le nom du commentateur. Puis ce qu'il dit. C'est quoi la joie? C'est un bonheur profond qui naît d'une relation personnelle avec Dieu. Du sentiment d'accomplir sa volonté. Elle a la joie. Peu importe les circonstances, là. La joie, McDonald, la joie remplit le cœur de contentement et de satisfaction en contemplant Dieu. C'est important la grosseur de ma maison, mes finances, ma carrière, mon titre. C'est important que aussi j'ai passé mes 3 semaines de vacances. Puis je suis pas en train de dire que t'auras pas ça. Mais c'est quoi l'attitude face à ces choses-là? OK? Qu'est-ce que tu fais avec? La joie et la paix sont l'état normal du chrétien, l'état normal, pas un moment d'extase occasionnel. Nous devons chercher sérieusement nous-mêmes à marcher en nouveauté de vie, en cherchant à donner plus abondamment ces bons fruits, ça je dis. Là, c'est les saveurs, on va dire les saveurs du fruit, qui sont à travers Jésus-Christ, à la louange et à la gloire de Dieu. Tout ce qui arrive concourt à notre bien pour la gloire de Dieu. Pas pour la nôtre. Mais par défaut, si Dieu est honoré, quelle devrait être votre réaction à la situation? La joie, c'est une joie spirituelle. Dans le texte. Elle subsiste même au sein des pires tribulations et des plus grandes souffrances. Cette joie-là découle de la grâce de Dieu. C'est pas un effort. Ça vient de Dieu. C'est qu'il te montre quelque chose que le reste ne voit pas. C'est une décision que j'ai à prendre. C'est une décision que j'ai à prendre. Je décide que je marche en pleine confiance que Dieu est souverain de toutes choses, puis que peu importe ce qui va arriver, ma part est de faire ce que Dieu me demande de faire, avec l'attitude que Dieu me demande de faire. Peu importe les choses, maladie, injustice, vraie ou fausse, okay? je dois prendre mes responsabilités. Tu sais, Dieu m'a confié des finances, Dieu m'a confié une maison, une auto, des biens matériels. Dieu m'a donné des responsabilités familiales, j'ai des responsabilités professionnelles. Je dois les prendre. J'ai des responsabilités au sein de l'Église. Je dois les prendre. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire, de la façon que je comprends que Dieu me demande de faire. Okay? Il va y avoir des conséquences. À qui elles appartiennent, les circonstances, les conséquences? À qui? À Dieu. Si je fais ce qu'il me demande, ce qui va suivre, ne m'appartient pas. Vas-y, Joanne. Ah, je vais les vivre, mais pas tout le temps, en fait. Je dis la vérité, quelqu'un est offensé et me diffame publiquement. OK? La conséquence, c'est que j'ai été diffamé. Est-ce que ça va changer ma vie? J'ai dit la vérité. Est-ce que je suis en paix avec ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai été intègre? Maintenant, l'autre personne qui m'a diffamé, là, elle vit de l'amertume. Pour qu'il l'amène à faire ça, elle vit de l'amertume, elle vit de la colère. Elle, lui manque quelque chose dans la vie. Moi, il ne me le manque pas. Ce qui serait la pire réaction, c'est de me fâcher, m'emporter, poursuivre, essayer de corriger l'injustice. Non, je ne le ferai pas. Non, je vais garder ma paix. Dieu s'en occupe. C'est pour ça que je dis que ça appartient à Dieu. Il va s'en occuper. Il s'occupe de tout. Pourquoi je stresserais, moi, là? Ce que j'ai dit que c'était facile, c'est pas toujours facile. Quand c'est dans le feu de l'action, là, c'est vraiment proche de ta peau, là, genre dans ta famille ou des amis que tu pensais que c'était des amis ou quoi, quoi. Là, ça vient te chercher. Mais c'est la même vérité pareille. Est-ce que j'ai été intègre? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé? En fait, ça vient d'une décision. C'est une question d'attitude. Est-ce que je me résigne? Je pose la question. Est-ce que je me résigne de quelque chose ou je concède quelque chose? C'est quoi la meilleure attitude? Se résigner? Ou concéder? Ben pourquoi? Expliquez-le-moi. C'est quoi la différence entre se résigner et concéder? Parce que souvent, on se résigne. C'est quoi se résigner? Se résigner, c'est que je reçois quelque chose à laquelle je subis quelque chose. Se résigner égale subir. Concéder égale abandonner. Ça fait-tu une différence? Ben oui. Mais quand je concède quelque chose, je l'ai concédé. C'est plus important. Si je me résigne, c'est parce que c'est important. Mais bon, pauvre moi, je vais l'accepter, tu sais, puis ça va être mon fardeau le reste de mes jours. Non! Si Dieu me montre que la chose que je désire, c'est pas ça qu'il veut me donner, à quelque part, je le concède, je vais passer à autre chose. Si je me résigne, je vais toujours y penser, je traîne un boulet. Mais c'est une question d'attitude, c'est une question de choix. Mais c'est des choix fondamentaux, là. Est-ce que Dieu est souverain? Est-ce qu'il a le droit de toute chose? Okay? Fait que ma joie, elle est où? Fait que c'est une question d'attitude. Dans Philippiens 3, 3.1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Où ça? Ouais. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, et pour vous, c'est salutaire que je vous répète à outrance. Réjouissez-vous. Soyez paisibles. Soyez dans la joie. Peu importe ce qui vous arrive. Puis c'est Paul qui parle, hein. Il est en prison, ou d'ailleurs, pas tout le temps, il est en prison, là, quand il écrit. Fait que, ou il est quelque part, il se fait maltraiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, puis est heureux de ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour le Seigneur. Éphésiens 5 et 6. Tout ce que vous faites, là, il dit, faites-le selon le Seigneur, ou comme pour le Seigneur, ou pour le Seigneur. Peu importe c'est quoi, là. Mari, femme, enfant, patron, esclave. Tout ce que vous faites, faites-le selon le Seigneur, c'est-à-dire selon la vérité, puis pour lui, pas pour autre chose. Que votre boss soit là ou qu'il soit pas là, faites-le, faites la bonne chose. Ça, c'est de prendre une décision. Philippiens 4:4. Où ça? Ouais, non, mais réjouir où? Dans le Seigneur. En fait, une autre traduction, c'est réjouissez-vous d'appartenir au Seigneur. C'est suffisant. C'est suffisant parce que si tu comprends que lui appartenir, ça veut dire que tu as tout. Tu as tout. tu as la vie éternelle, t'aimes ton corps, t'aimes pas ton corps. Le corps que tu vas avoir, là, écoutez, Adam et Ève, ils vont être gênés comparativement à... Et eux autres, ils ont été créés parfaits, humainement parlant. Hein? Nous, on va avoir un corps glorifié. Il va être parfait. Bon, peut-être que ça va être la même chose qu'au jardin avant le péché, je ne sais pas. On n'a aucune idée. Mais ce qu'on sait, là, c'est que ça va être extraordinaire. Okay? Fait que, est-ce qu'on y pense à ça? Subit quelque chose maintenant? Est-ce que tu es en train de faire ce que le Seigneur te demande? Oui? Tu es à bonne place. Le reste, là, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver à toi qui n'est pas arrivé au Seigneur? Même Dieu, là, tu sais, je parle de Dieu dans sa position de Dieu créateur. Il crée un monde parfait, et la créature la plus parfaite du monde qu'il a créée lui tourne le dos. Moi, tu te sens, toi? Puis toute la création, pour les 6000 ans et quelques qui suivent, là, rejette le créateur. Il y a quelques, humainement parlant, anomalies, là, ici et là, il y en a qui reconnaissent qui est Dieu, qui croient Dieu, qui parlent de Dieu, puis le monde n'en a rien à foutre de eux. Ils ne veulent pas les avoir. Puisque nous, on fait partie de ceux que le monde ne veut pas entendre, ou bien on est bien à l'aise dans le monde dans lequel on vit. 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez, de temps en temps, soyez joyeux. C'est ça qui est écrit? Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que vous appartenez au Seigneur. C'est un style de vie, hein? C'est une façon d'être. Puis, comme on a appris à marcher quand on était petit, là, bon, Ernest n'est pas là encore, là, mais ça va venir. Là. Il va finir par s'accrocher après, marcher à quatre pattes. Après ça, il s'accroche après les meubles. Éventuellement, il va se tenir debout, il va tomber. Il va se relever, il va retomber. Il va se relever, il va retomber. À un moment donné, il va marcher. Puis il va courir. Ça se peut qu'il court en même temps, qu'il apprenne à courir en même temps, qu'il apprenne à marcher. Mais on comprend ça, mais l'enfant, lui, il ne le voit pas. Mais prenez quelqu'un là, comme Luc ou Rémi, là, qui ont eu un accident majeur dans leur vie, puis qui se réveille après 6 mois, 9 mois de coma, là, la machine ne fonctionne pas, là. Si tu veux marcher un jour, il va falloir que tu souffres, mon coco. Il faut que tu réapprennes tout là, ce que tu savais avant l'accident. Faut que tu retrouves ton équilibre, puis tu apprennes à mettre un pas en avant de l'autre. Ça va être super douloureux. Il faut que tu le fasses. OK? Mais un jour, Rémi, il marche. Il y a une canne, mais il n'en parle pas. Hein? Tu vois Luc s'en aller. Il marche. Est-ce qu'il est en train de penser aux douleurs que... Je pense pas, là. Il est content il a dit souvent qu'ils sont joyeux, sont heureux d'appartenir au Seigneur. Puis ils sont heureux de l'accident qui est arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là qu'ils ont connu le Seigneur. Sinon, ils ne l'auraient pas connu. Fait que c'est vraiment la question, là. C'est une décision, puis je dois apprendre à marcher de cette façon-là. Il n'y en a pas d'autre. Puis c'est pas vrai que c'est naturel. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Puis il y a des moments spontanés où est-ce que, waouh, je déborde de joie, puis je comprends pas pourquoi. OK? Mais, je peux choisir aussi, là, quand ça va mal, de prendre une pause et de dire « Réfléchis, mon coco, là. » Puis si tu as de la misère à réfléchir et qu'un frère ou une sœur vient de te dire « Est-ce parce que peut-être tu devrais considérer autre chose? » Dis-y pas, toi, mon espèce, avec ta parole de Dieu, là, va voir ailleurs. Hein. Tu dis « Merci, Seigneur, qu'il y a quelqu'un. » Tu sais, l'esprit en dedans, je l'entends pas, fait que je vais l'entendre de mes oreilles. Tu sais, il me parle en dedans, je l'écoute pas, fait qu'il y a quelqu'un qui vient me le dire. Fait que je devrais peut-être l'écouter, qu'est-ce qu'il me dit? Hein? Parce que l'idée, c'est de nous ramener à notre premier amour. Jésus. Des preuves, des exemples, qu'on peut être heureux dans la tristesse. 1 Thessaloniciens 1,6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Quand ils ont entendu l'Évangile, là, ça leur a coûté cher. Il y a des pays dans ce monde, présentement, aujourd'hui, où quand quelqu'un prend position pour Christ, sa vie est vraiment en danger. Puis ce serait intéressant de savoir c'est quoi la durée de vie après que tu as accepté le Seigneur. Tu vas peut-être avoir le temps de l'annoncer à 2-3 personnes, puis tu es mort. C'est ça le prix à payer. Mais ils sont dans la joie. Acte 16, 22. La foule, ils sont à Philippe, dans la ville de Philippe. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, ils font quoi? Ils pleurent, ils sont tristes, hein, voilà. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On se morfond, on se plaint, on crie à l'injustice, on dit, waouh! Quelle opportunité ici! Il y a d'autres prisonniers qui ont besoin d'entendre, de voir le témoignage de l'Évangile. Fait que je vois tout ça comme un malheur ou comme une opportunité. Quand je soupire après un emploi et je ne l'ai pas, c'est un malheur, c'est une injustice, ou c'est le Seigneur qui est en train de me dire, regarde, c'est pas ça que j'ai pour toi, là. Change de trac, concède. Bon, maintenant, écoute, j'ai fait un petit bout que j'essaie de dire quelque chose, tu m'écoutes pas, là. Tu comprends-tu? Bon, passe à autre chose. Concède, c'est pas se résigner, c'est concède. Maintenant, écoute, je suis en train de te dire. Puis quand on fait ça, là, vous savez très bien ce qui se passe après. On est surpris par l'événement qui va arriver après. Le monde, lui, il a plein de joie à offrir. Mais ça ne dure jamais longtemps, là. C'est vrai, là? Ben, Ecclésiaste, il va dire, j'ai oublié le texte exact, là, mais... Tu sais, quand t'es jeune, profite de la vie, là. Vas-y, essaye les choses, tout ça. Fixe ta affaire, OK? Vas-y. Mais, rappelle-toi qu'un jour, il faut que tu rendes compte à Dieu de ce que t'as fait. Fait que, dans le fond, tu es en train de dire, considère ce qui est devant toi, puis choisis, fais les bons choix, parce qu'il faut que tu rendes compte à Dieu de ce qui va arriver, tu comprends? Fait que, oui, c'est le fun, un paquet d'affaires, là, mais j'ai le choix entre ça qui me fait du bien, me valorise, me donne un sentiment de sécurité, puis ça que Dieu veut que je fasse, qui va prendre tout mon temps, ou la bonne majorité de mon temps, puis si je fais ça que Dieu me demande, j'ai pas le temps de faire l'autre affaire que j'aimerais qu'il me valoriserait. Fait que, est-ce que je me résigne ou je concède? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je concède à Dieu pour faire ce qu'il veut que je fasse, parce que je sais que ça concourt à mon bien et à tous ceux qui sont autour de moi. Versus, j'insiste là, pour avoir l'autre affaire que je veux. Pierre, il est en prison. Jacques vient de se faire tuer. Pierre est en prison. J'ai oublié le texte là. Mais Pierre est en prison. Il y a un ange qui va venir le libérer. Toute l'église prie pour lui. Il y a un ange qui va venir le sortir de prison. Il faut qu'il donne un petit coup de pied là pour réveiller Pierre parce qu'il dort bien dur. Pierre, il est supposé de mourir demain matin. Là. C'est clair que s'il ne sort pas de prison, il meurt demain matin. Il dort. Il va falloir le réveiller pour son exécution. Je suis convaincu que c'est pas comme ça que ça se passe dans les prisons aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Quelqu'un sait qu'il est condamné. Il ne dort pas. Là. Ils sont troublés. Lui, il dort. Pourquoi? Il est en paix. Ben, pourquoi il est en paix? Ben voilà. Qu'est-ce qui peut aller mieux que ça de savoir que je m'en vais vers mon Seigneur? Et voilà. On peut-tu mettre la prochaine slide? L'autre, t'es prêt, là? De quelle joie est-ce qu'on parle? Il est gelé. Comment est-ce possible? Eh, bon, voilà. J'en ai listé quelques-uns, OK? Mais c'est sûr que je ne les ai pas toutes listées. En fait, là, le défi, moi, j'achève dans 2 minutes, à peu près 3 minutes, j'ai fini. 5, mettons. J'ai fini. 5 minutes, j'ai fini, max. Mais ce que j'aimerais, de votre part, c'est une petite discussion sur... De quoi on parle vraiment quand on parle d'être dans la joie? Est-ce que vous avez des exemples personnels, tu sais, de la joie? La joie d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom du Seigneur. La joie d'avoir été trouvé fidèle dans les choses que le Seigneur m'a donné de faire. La joie d'être pleinement rassasié de Dieu. Dans ce sens que, écoute, j'ai une pleine assurance de qui il est, de qui je suis, de toutes les bénédictions. J'ai une pleine assurance, là. Qu'est-ce que tu peux m'enlever? De se savoir aimer, de la joie, l'assurance de ton salut. La présence de Dieu dans ta vie, là, une présence réelle, là, qui est palpable, que tu peux voir, qui est en train d'agir sur telle affaire ou dans telle situation, ou simplement en train de te parler à toi pour te rassurer, puis tu sais que c'est lui qui parle. Toutes les circonstances autour, là, c'est comme t'es vraiment dans la « hum », puis toi, t'as un petit sourire dans le visage. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. D'avoir le Saint-Esprit, la joie du service, hein, Gilles? De donner, d'avoir la capacité de donner, d'exercer l'hospitalité, pas pour des gens gentils ou que j'aime, là. Juste d'avoir le privilège de héberger, de prendre soin de quelqu'un, de pardonner, et trouver le courage de pardonner, ça fait du bien quand tu le fais, puis de savoir pardonner quand quelqu'un d'autre te demande vraiment pardon, là, ou te dit vraiment je te pardonne, là, puis tu sais que c'est vrai, là. OK? La communion fraternelle, la vraie, de voir Dieu agir dans le quotidien, dans le mien ou dans le tien. Quand je vois Dieu agir dans ta vie, ça me fait du bien. Si ça ne me dérange pas, là, on a un problème. De participer à l'œuvre de la réconciliation, dans le sens que j'ai le privilège, j'ai l'occasion de parler de Jésus-Christ à quelqu'un, peu importe ce qui va se passer, là, peu importe ce qui va arriver, que ce soit n'importe quel des quatre terres, puis que ça peut prendre 10 ans après que tu as parlé à la personne pour entendre des nouvelles de quelqu'un d'autre que, hey, wow, cette personne-là a accepté le Seigneur, puis elle se rappelle même pas que tu existes puis que tu avais planté une graine, c'est pas grave. On se réjouit d'avoir participé à l'œuvre de la réconciliation. De connaître le Seigneur, d'être connu de lui, de connaître la vérité. OK. Tu peux me raconter ce que vous voudrez, là, mais ce que Dieu dit, c'est ça ici, là. Juste d'avoir de, tu sais, on peut en nommer, là. OK? Maintenant, si ça c'est vrai, je m'appuie sur la vérité, ben comment je vais vivre dans la joie? Prochaine, Omar, s'il te plaît. Ben, ça commence par obéir à Dieu en toute chose. Écouter sa voix. Décider de marcher dans la joie. Partager. C'est un petit exercice aussi. Partage la raison de ta joie. Tu sais, aujourd'hui, tu es à des funérailles, c'est quelqu'un qui est très, très proche de toi dans la vie, c'est ton meilleur ami intime, peu importe, c'est ton conjoint, ta conjointe, ton épouse, ton mari, c'est un enfant. C'est triste, là, au funérail, la personne est partie. Ben, ça dépend. Elle est partie où? Hein? Si elle est partie rejoindre le Seigneur, là, pourquoi vous êtes triste? Louez Dieu, parce que Dieu vient d'épargner à cette personne toutes les difficultés de la vie qui aurait suivi si elle n'était pas décédée. Mais en même temps, si elle n'est pas au Seigneur, la personne qui est décédée, il y a plein de monde autour de vous là, pendant l'occasion là, qui ne retiennent pas au Seigneur puis qui ont besoin d'entendre la vérité. Puis excusez-moi, mais dans les salons funéraires de ce temps-ci, on est loin d'entendre la vérité. Je parle de façon générale, là. Vivre passionnément de l'Évangile pour l'Évangile. Je prends plaisir à faire ce que le Seigneur me demande de faire, même quand il y a de l'opposition, parce que je sais qu'il est là avec moi. Lui confier tous mes fardeaux, puis les lui concéder. Pas se résigner, là. Il va faire ce qu'il veut faire avec, puis c'est parfaitement correct. Puis s'il ne me le dit pas tout de suite, c'est correct aussi. Mais moi, si je concède un fardeau, Seigneur, je l'ai concédé. Et rester attaché au Seigneur et à sa parole, peu importe les circonstances. Romains 14, 17 dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Aucune autre joie, aucune autre paix, aucune autre justice, celle qui vient du Saint-Esprit. Le monde va m'en faire des injustices. Moi, je suis en paix avec Dieu. Je suis réglé avec Dieu. Si j'ai péché, j'ai demandé pardon, est-ce qu'il m'a pardonné? Est-ce que je l'accepte? Ben, passe à autre chose. Si vous le ramenez toutes les semaines, là, vous n'avez pas passé à autre chose. Si quelqu'un vous a demandé pardon, vous n'avez plus le droit d'en parler. Ben, le Seigneur, il le fait, lui. Quand je lui demande pardon, il ne me le ramène pas. Jamais. Je vais rougir seulement des choses que je n'ai pas demandé pardon. Les choses que j'ai demandé pardon, j'ai déjà rougi. Est-ce que ça va? Est-ce que j'en suis fier des choses que j'ai faites dans le passé? Non, mais j'ai demandé pardon. 1 Pierre 1, 3 à 9. Je vais le lire. 1 Pierre 1, 3 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Hey, on pourrait mettre plein de versets en lisant ça là. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, un Jacques, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat, et c'est à ça qu'il faut penser là, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, parce que vous avez l'assurance que vous obtiendrez. Est-ce que vous me suivez? Vous l'avez déjà. C'est juste qu'il faut que tu finisses ta session pour avoir ton diplôme. Mais tu as déjà là, tout ce qu'il faut pour avoir le diplôme. Fais juste laisser le temps passer, là. Ça va arriver. Et l'autre, après? Comment on peut exprimer notre joie? Ben, premièrement, je pourrais relire la slide d'avant, mais en même temps, par des actions de grâce, des louanges, des chants d'allégresse, des cantiques, par des transports d'allégresse, c'est David, là, il va danser, puis il va chanter, puis il va se faire réprimander parce qu'il a fait ça. Pas grave, il fait pareil. Il dit, t'as rien compris. T'as tellement rien compris, Michael, là. Est-ce que vous me suivez? Par l'obéissance. C'est mon dernier verset, 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus-Christ, doit marcher, / vivre, / par l'Esprit, selon l'Esprit, comme Jésus a lui-même marché, parce que c'est comme ça qu'il marchait. Ça va? Amen. Fait que là, la question est... Sam, tu veux-tu venir ou tu veux que je reste comme tu veux? Non, mais des exemples concrets de qu'est-ce que c'est la joie. Quelles sont les sources de joie dans vos vies? Lesquelles sont temporaires, lesquelles sont permanentes? Vous pouvez commencer, Sam s'en vient. T'sais, Roger est en train de nous dire, moi, j'aime la musique. Ça le rend heureux de jouer de la musique. Toi, c'est chanter. Non, mais tu pourrais perdre ta voix. Tu pourrais perdre ta voix. Puis il pourrait se faire couper une main. Je ne souhaite rien, là. C'est pas ça le sujet. Mais où ma vraie joie quand je chante? Et où ma vraie joie quand je joue de la musique? Non, mais là, il faut se la poser, la question, là. À quoi je prends plaisir?